Nous sommes rendus dans Matthieu chapitre 11. Ce que j'ai toujours apprécié de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ne cache pas la faiblesse des hommes qui sont donnés ou dont on parle dans les Écritures. On ne cache pas la faiblesse de Salomon, qui était un polygame, 1000 femmes. Ça en voudrez-vous d'un pasteur qui a 1000 femmes, ça? 1000 femmes! T'as tout un sale pécheur, le gars. 1000 femmes! C'est tout un pécheur, le gars, là. Imaginez-vous, 1000 femmes! 700 qui n'étaient pas de ses femmes, 700 concubines, puis 300 femmes. 300 femmes, ça en était déjà pas mal, mais 700 concubines, 700 maîtresses aux côtés. Puis on dit, c'est un homme de foi, un homme sage, un grand homme de Dieu. Dieu ne cache pas la faiblesse des hommes qu'il va utiliser. David, un homme selon le cœur de Dieu, lui aussi, il avait une gang de femmes. Lui aussi, c'était un meurtrier, un lâche, un menteur, un hypocrite. Dieu ne cache jamais ce que les hommes sont dans la réalité. C'est juste nous autres, les pécheurs, qui veulent cacher qui nous sommes. Nous autres, on essaie de cacher, hein, puis montrer aux autres qu'on n'est pas si mal, dans le fond. On est correct. C'est un bon gars. Je suis facile à aimer, moi. Dieu ne cache pas la réalité. C'est quand on voit dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. On voit des gars comme Pierre qui va trahir son maître 3 fois dans la même nuit. 3 fois, celui qui vient de lui dire, je vais donner ma vie pour toi, 3 fois dans la même nuit, il dit, je ne connais pas ce gars-là. Je ne le connais pas, ce gars-là. Je ne le connais pas, ce gars-là. 3 fois. Je ne me réjouis pas qu'ils sont comme ça. Mais mon ami, ça me fait du bien de le savoir. Ça me fait du bien de le savoir. Parce que si Dieu a dit que David était un homme selon son cœur, malgré tous les péchés qu'il a fait, je peux croire que Dieu dit que François aussi est un homme selon mon cœur. Malgré tous les péchés que je fais. Ça me fait du bien de voir des exemples de ce que Dieu fait. Et ce matin, nous allons en voir un autre de ces géants spirituels qu'on regarde des fois dans la Bible, qui, lui-ci, va nous faire voir, Dieu va l'utiliser, cet homme-là, parce que s'il est dans la Bible, puis si on en parle dans la Bible, c'est parce que Dieu a décidé de prendre cet homme-là dans sa faiblesse pour nous en donner un exemple. Parce que c'est Dieu qui a décidé que cette histoire-là serait dans la Bible, n'est-ce pas? C'est pas les autres. C'est la parole de Dieu qu'on croit. C'est. Et ce matin, ça va nous donner, encore une fois, peut-être de voir comment Dieu agit avec des hommes qui croient en lui, mais aussi qui sont des hommes qui sont pleins de faiblesses. Et ce matin, nous allons parler du doute. Du doute. Est-ce que ça vous arrive de douter? Est-ce que ça vous arrive de douter de Dieu? De douter de la parole de Dieu? Ça vous arrive-tu que des fois dans votre vie, vous arrêtez et vous vous dites, je me suis fait embarquer dans cette affaire-là? Là? Est-ce que ça serait une grosse joke, la patente? La plupart des chrétiens que j'ai côtoyés depuis 35 ans ont certaines difficultés à avouer qu'ils doutent. Ah non, je crois, j'ai la foi, je ne peux pas douter, j'ai la foi. Mais est-ce que c'est incompatible, la foi et le doute? Le doute vient de de l'état de pécheur dans lequel nous sommes. Êtes-vous encore des pécheurs? Ben, répondez-moi pas, je ne voudrais pas que vous dites des niaiseries. Hein? Vous êtes encore des pécheurs. Et le pécheur, lui, doute. Il se demande si Dieu dit la vérité. Il y a toujours cette petite parole, on pourrait dire dans son oreille, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, le doute fait partie de notre vie. On doute. Il y a des moments où est-ce que on se demande si c'est vrai. Et je pourrais vous dire personnellement que, dans ma compréhension, à chaque fois que vous péchez, vous doutez. Le péché, c'est la manifestation du doute de l'être humain envers Dieu. Dieu dit, « Mange pas de l'arbre, tu vas mourir. » Satan dit, c'est pas grave, pense pas que tu vas mourir. Et là, on se... L'être humain a décidé de croire Satan. Et Dieu dit, François, tourne à droite, tu vas être heureux. Il me semble que c'est à gauche que je vais être heureux, moi. Puis je pars à gauche. Je doute de ce que Dieu a dit, est vrai. Je ne crois pas, donc je m'en vais dans l'autre bord. Intellectuellement, on va dire, la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Intellectuellement, on le dit, c'est vrai. On le croit. Mais il y a une partie de nous qui doute. Et je crois que ce matin, on va regarder l'histoire de Jean-Baptiste, qui, lui aussi, est un homme qui, dans sa difficulté, a douté. Il a douté malgré qu'il avait vu de grandes choses. Tant que nous voyons la foule au temps de Jésus, qui suivait Jésus continuellement, le peuple d'Israël a douté de Jésus, à un point tel qu'il a dit non. Ils ont douté parce que leur compréhension du royaume de Dieu était erronée, n'était pas exacte. Jésus s'est présenté comme étant celui qui était le oint de Dieu, qui devait délivrer Israël, comme on l'a vu ce matin dans Isaïe. Mais en même temps, Israël, les autres ne voyaient pas ça comme ça, n'attendaient pas ce genre de Messie-là, et à cause de ça, ils l'ont rejeté. Ils ont douté de lui. Ils n'ont pas cru en ce qu'il disait. Jésus leur a dit à ses disciples, les 12 puis les autres qui suivaient alentour, il les a parlé pendant 3 ans, mais jusqu'à la fin de leur vie, de ces 3 ans-là, excusez, jusqu'à la fin de ces 3 ans-là, ils ont douté de Jésus. Jésus leur disait des affaires, moi, en Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs sur le bord du chemin, puis on dit, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrait Israël. Mais avec tout cela, il est mort. Voilà 3 jours qu'il est mort. On pensait que c'était lui. On espérait, on croyait que c'était lui. Mais là, il est mort. C'est ce que nous pouvons faire, ça se tord. C'est fini. Il doutait. Il n'était pas sûr de ce que Jésus avait dit. Là, on peut dire, oui, c'est vrai, il n'était pas encore régénéré, il n'était pas encore reçu de cet esprit, eux autres. Mais il doutait. Ça fait partie de la nature du pécheur de douter de ce que Dieu dit. Et Jean aussi va douter. Il va douter. Et de ce qu'on va parler ce matin, on va parler du doute par rapport à la personne de Jésus. On ne parlera pas du doute dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Quelquefois, on va douter de ce que Dieu dit. Mais ici, on parle d'un doute impardonnable, du doute de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on se souvient, qu'est-ce que Matthieu essaie de faire? Qu'est-ce que Matthieu essaie de faire? De convaincre les Juifs que Jésus est le Messie, le roi qui devait venir, commencer le royaume de Dieu. C'est ça qu'il essaie de faire. Donc, il faut le lire dans son contexte. Matthieu veut convaincre. Ou bien, on pourrait aller un peu plus loin et dire, Dieu veut convaincre en travers Matthieu, son peuple, Israël, que Jésus est vraiment le Messie qui devait venir. Et on a vu ensemble qu'il va s'efforcer de démontrer que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament pour démontrer que c'était bien lui, le roi. 25, à peu près 25 preuves que Jésus était vraiment le Messie. plus vous avez, dans notre société aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose de très important, on va vous demander des preuves d'identification. Là, des fois, ils vont t'en demander une, tu en as assez. Des fois, ils vont t'en demander deux. D'autres places, ils vont t'en demander trois. Mon gars, t'es allé à l'ambassade, là, dernièrement, c'est à trois preuves là, qu'il y a eu à l'ambassade pour avoir le droit d'avoir son visa pour aller en Europe. Plus la demande est importante, plus ça prend des preuves d'identification. Et Matthieu, ici, va donner 25 à peu près preuves que Jésus, c'est vraiment le Messie. 25 fois, il va dire, il est écrit, ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit, ce que le prophète avait dit, ce que Jérémie avait dit, ce qu'Ésaïe a dit, ce que le psalmiste a dit, ce que David a dit. Il va dire 25 fois ou à peu près que c'est vraiment lui qui est le Messie qui devait venir. Pour vous et moi, qui sommes chrétiens, nous croyons ça. Mais nous avons besoin de croire et d'être capable d'expliquer de plus en plus pourquoi est-ce qu'on croit ça. Il y a plein de monde alentour de vous qui ne croient pas cela. Et ils vont, en lisant ce matin et en regardant, ça va vous donner des moyens, des outils pour pouvoir dire à ceux qui vous entourent, « Hey, Jésus, c'est vraiment le Messie qui devait venir, parce que voici les raisons qu'il donne. » Mais vous n'allez pas avoir grand succès auprès des gens qui ne croient pas à la Bible parce que vous allez citer la Bible. Avez-vous déjà essayé de témoigner à quelqu'un qui ne croit pas à la Bible? C'est très dur. Vous êtes en train de sortir votre Bible, dites, la Bible a dit, je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas à la Bible. Sors-moi pas ta Bible, je ne crois pas à la Bible. C'est bien dur ça de témoigner que ce temps-là. Hein? Les gens ne croient pas à la Bible, c'est la seule outil que toi, c'est la Bible, toi. Mais ici, Matthieu va prouver que Jésus est le Messie en utilisant la Bible parce que les Juifs croient à la Bible. Les Juifs lisaient l'Ancien Testament depuis des millénaires. Donc, ils croient à ça, ils connaissent les prophéties. Là, ils veulent voir si le Messie a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Le doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été très choisi d'une façon très spéciale. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si Élisabeth et Zacharie ont raconté à Jean-Baptiste sa naissance. Pourquoi il était venu au monde, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Pensez-vous qu'ils l'ont fait? Si vous étiez parents, vous autres, allez-vous dire à votre petit Jean, là, hey, moi, là, ton père, Zacharie, là, voici, je vais te dire comment c'est arrivé. J'étais dans le temple, il est arrivé un ange, là, puis vous allez vous raconter? Ben oui, vous l'auriez raconté. Moi, je l'aurais raconté, en tout cas, tous les soirs. Hein, vous allez raconter ça? Ben oui, vous l'auriez raconté. C'était tellement spécial, spectaculaire. Sa vieille mère de 90 ans passée, ou à peu près, qui disait, « Hey, moi, j'étais vieille, ratatinée, je n'étais plus capable de rien faire. Du coup, t'es venu au monde, j'avais 90 ans. » Imaginez-vous, ça a dû être tout... En tout cas, moi, personnellement, ce que je pense, pour marquer dans la Bible, Jean devait se sentir quelqu'un de très spécial. Très spécial. Pourquoi? Sa naissance était très spéciale. Et si ses parents lui ont raconté ça, il savait, lui, depuis qu'il était haut comme ça, il savait qu'il avait un rôle très spécial à jouer, qu'il était quelqu'un de spécial. Parce que sa naissance était miraculeuse. Sa naissance était miraculeuse, c'était vraiment un miracle de Dieu. C'est pas que Élisabeth n'a pas eu un enfant sans avoir de relation. Oui, il y a eu une relation humaine, sexuelle, qui a mis un enfant au monde, mais le fait qu'elle soit capable, que les deux soient capables de le faire, ça, c'est un miracle. Et il y a eu d'autres choses qui s'est passées. Dans sa vie, Jean a vu l'Esprit Saint descendre sur Jésus. Il a vu toutes sortes de choses arriver. Il dit, j'ai entendu une voix. Hein, Jean-Baptiste, il dit, j'ai entendu une voix qui venait du ciel, puis qui a parlé à lui. Voici celui, voilà, puis il explique ça. Et donc, Jean était quelqu'un qui était privilégié dans ce sens-là. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de douter. Ah, il avait vu le Saint-Esprit descendre, une forme de colombe, sur la personne de Jésus. Il a entendu la voix du ciel. « Ceci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais il doute. Il vient un temps dans sa vie qu'il se demande si Jésus c'est le bon gars. Ça, c'est l'être humain, frère et soeur. C'est l'être humain. Les gens qui pensent que les autres vont croire s'ils voient un miracle, c'est de la foutaise. Parce que ce gars-là, là, il en avait vu des choses. S'il y en a un qui aurait dû croire, c'est bien lui. Mais il doutait. Il doutait. Lisons ensemble Matthieu 11. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les morts, excusez, ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Cette semaine, pendant que je méditais sur ce passage-là, j'ai été surpris de la réponse de Jésus à Jean. Mais je ne sais pas si vous savez comme moi, j'ai toujours l'habitude d'essayer de me mettre dans la peau des gens, de retourner en arrière, de me mettre dans la situation, de voir qu'est-ce qui se passe. Cette habitude-là, c'est pas obligé d'avoir cette habitude-là, mais j'essaie de me dire, si j'avais été Jésus, j'avais été là, mais qu'est-ce que j'aurais fait? J'avais été Jean dans ma prison, là, depuis 6 mois, à peu près 6 mois. J'étais là dans ma prison, pas très, très confortable. Qu'est-ce que j'aurais pensé? Qu'est-ce que j'aurais pensé? Jean a été amené à l'extrême limite de ses propres capacités. Le doute vient là. Jean n'a pas, peut-être pas douté la première journée dans la prison. Peut-être pas non plus la deuxième. Peut-être pas non plus la troisième, je ne sais pas. Peut-être pas la cinquième. Peut-être pas le premier mois, peut-être pas le deuxième. Peut-être pas le cinquième. Mais rendu au sixième, en tout cas, la Bible nous dit qu'il doute. Pourquoi est-ce qu'il doute? Qu'est-ce qui l'emmène à douter? Moi, je vous dirais, n'enterrez pas vos doutes. Arrêtez-vous, regardez-les d'en face, bien comme il faut, vous dites, qu'est-ce qui se passe dans moi pour que je doute à ce moment-ci dans ma vie? Je ne doutais pas hier, aujourd'hui je doute. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour m'emmener à douter? Pourquoi est-ce que j'ai envie de lâcher aujourd'hui la vie chrétienne? Qu'est-ce qui s'est passé? N'enterrez pas ça avec une prière. Ça paraît peut-être pas spirituel, là, mais n'enterrez pas ça avec une prière. J'ai tellement envie de chrétien, commencer à prier, puis « Seigneur, enlève mes doutes, enlève mes doutes, enlève mes doutes », puis il s'en va. Ça n'arrive pas comme ça, ça ne se marche pas comme ça. Jean ici est emmené dans un état émotionnel, ou psychologique, ou spirituel, ou physique, ou matériel, à l'extrême limite de ses propres capacités, et il doute. Il doute. Et il ne doute pas de n'importe quoi. Il doute que Jésus est le gars qui devait venir. Ça, c'est pas mal rendu à l'extrême, là, du doute. Il ne doutait pas que Dieu l'écoutait dans ses prières parce qu'il a plu aujourd'hui et il avait demandé qu'il ne plût pas. Il n'a pas douté de Dieu parce qu'il a demandé une job, Dieu ne lui a pas donné, fait que là, il doute. C'est pas ça là, qu'on parle. Il doute de la personne de Jésus. Il se demande si Jésus, c'est vraiment le Messie qui devait venir. Celui que pendant un an, ou à peu près un an, a prêché à tout le peuple d'Israël, « le voici l'agneau de Dieu, le voici, c'est lui, suivez-le les gangs, suivez-le, c'est lui. » Tu écoutes, t'es-tu le bon gars? C'est-tu toi qui dois venir? On doit-tu nous attendre un autre? Pourquoi est-ce qu'il pose la question selon vous? Vous devez le savoir, vous êtes tout humain comme lui. Il attendait qu'il vienne à la porte avec la clé et qu'il délivre d'être là. C'est ce qu'il attendait. Viens, établis ton royaume. Fais-le, fais quelque chose. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Je suis ton serviteur. Je suis ici dans ce trou-là à cause de toi. Fais quelque chose pour moi. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de penser. Hey, je suis dans la difficulté à cause de toi. C'est à cause que j'ai proclamé ton nom que je suis ici. Moi, je crois que tu es le Messie, puis tu devrais me délivrer, tu devrais délivrer Israël de ses ennemis et établir ton royaume, faire quelque chose. Et Jésus ne fait rien. Il ne fait absolument rien pour Jean. Il est en prison, puis Jésus ne va pas le voir, il ne fait rien. Donc, Jean doute, il se demande s'il a compris comme il faut, si c'est lui le bon gars. Quand on goûte, la plupart du temps, quand on doute, savez-vous pourquoi? Les choses ne vont pas comme on veut. Les choses ne se passent pas comme on veut. Dieu ne va pas dans la même direction que nous, on voudrait aller. Et là, on se met à douter. Quand les choses vont comme on veut, hein, Dieu est bon, tout va bien. Mais quand ça se met à aller de pas de la bonne manière, pas comme on voudrait, et que le plan de Dieu ne concorde pas avec notre plan, là, on se demande, c'est-tu de bon goût? J'ai-tu cru à la bonne affaire? Je me souviens toujours, à un moment donné, j'étais en train de prendre ma douche. Je ne vais rien vous révéler de trop personnel. J'étais en train de prendre ma douche une fois, puis j'ai dit, « Et si je n'étais pas chrétien, que la vie serait donc belle? » Pasteur de l'Église qui dit ça dans sa douche. Pourquoi vous pensez que j'avais dit ça? Les choses n'allaient pas comme je voulais. Ça ne marchait pas comme je voulais. Et là, tu doutes. Tu doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait les bonnes décisions? Mais ça, c'est Jean, c'est l'être normal, l'être humain normal, l'être humain pécheur normal, comme vous et moi en tant qu'être humain. Et je sais que vous êtes encore des humains, et je sais que vous êtes encore des pécheurs, donc vous êtes encore un peu comme Jean. Mais Jésus, regardez comment est-ce que Jésus va faire. Et j'aime Jésus juste à cause de ça. La façon qu'il réagit devant Jean, c'est merveilleux. Si tous les parents feraient ça avec leurs enfants, la vie serait belle. Mais c'est pas le même qu'on agit. Jésus va répondre à Jean d'une façon tellement aimable, tellement divine, je peux dire ça. Mais ce qui m'a surpris cette semaine, c'est que je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas à Jean, « Jean! » Tu ne te souviens pas de quelle façon tu es né au monde, de façon miraculeuse? Jean, tu ne te souviens pas de l'Esprit-Saint qui est descendu sous une forme de colombe? Jean, tu ne te souviens pas de la voix que tu as entendue, qui t'a parlé du ciel? Jean, voyons, il n'en parle pas de ça. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'avais été Jésus, c'est ça que j'aurais dit. Hé, hey, Jean, tu ne t'en souviens pas de ce qui s'est passé dans ta vie? Pas, il en mentionne pas, il ne mentionne pas, il ne dit pas un mot là-dessus. Vous ne l'auriez pas fait, vous autres? Ben moi, c'est ça que j'aurais fait ça. Hein? Hé, hey, tu ne te souviens pas? Puis combien de fois, dans nos vies chrétiennes, pour se remonter le moral, on essaie de trouver quelques bénédictions dans notre vie passée. Hé, hey, souviens-toi des bénédictions de Dieu, là, qu'est-ce qui s'est passé d'agréable dans ta vie? Souviens-toi de quelque chose d'agréable dans ta vie. N'est-ce pas ça qu'on fait? On essaie de se souvenir de quelques expériences agréables, quelques prières que Dieu a exaucées pour se remonter le moral un petit peu. Jésus ne fait pas ça. Jésus ne vous encouragera jamais avec vos expériences. Jamais. Même si vous auriez eu des miracles à tous les jours, il ne s'en servira même pas. C'est pour ça qu'il s'est servi. Il va se servir de la parole de Dieu pour l'encourager. Vous savez, de la parole de Dieu pour l'encourager. Tu doutes, Jean? Tu doutes? Pourquoi tu doutes? Parce que tu comprends mal ce que je suis en train de faire. Tu comprends mal qui je suis. Tu comprends pas bien quel est mon plan. Tu comprends pas bien où est-ce que je m'en vais. Vous avez déjà fait ça en auto? Vous êtes en train de conduire, c'est vous qui êtes le chauffeur, et vous conduisez, et les personnes autour de vous disent « Hey, c'est pas par là qu'on passe, c'est pas par là qu'on passe! » Vous avez déjà vécu ça? Parce que vous ne passez pas par le même chemin que l'autre est habitué de passer. Vous avez un autre chemin par lequel vous voulez passer, puis « Hey, c'est pas par là qu'on passe! » Alors, attends un peu, je m'en vais à la même place que toi. On va s'en là-bas, mais je passe par un autre chemin. N'est-ce pas? Puis Dieu, il fait ça avec nous autres. Ouais, ouais, ouais, énerve-toi pas, mon Alette, énerve-toi pas. Je passe pas par le chemin que tu as prévu, mais on va se rendre à la place que j'ai dit. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et là, il dit à Jean, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Dites à Jean que je suis en train d'accomplir ce que l'Ancien Testament avait dit. Ce que Isaïe 61 a dit, c'est là ce matin, là, ce qu'on a parlé, qu'on a lu, là, il dit, je suis en train d'accomplir ça. Je suis en train d'accomplir les Écritures, Jean. Les Écritures disaient que j'étais pour faire voir les aveugles, que les boiteux marcheraient, que les lépreux seraient purifiés, que les sourds entendraient, que les morts ressusciteraient, que la bonne nouvelle s'apprêchait aux pauvres. Il dit, Jean, ce qui a été prophétisé, je suis en train de l'accomplir. Je suis le bon gars. Parce que, rappelez-vous, Matthieu veut prouver à Jean, comme aux autres, que Jésus, c'est le Messie. Mais Jean est déjà mort, là. Là, il fait là, à ce moment-là. Va dire à Jean que je suis en train d'accomplir ce que les paroles de Dieu ou la parole de Dieu a dit que je devais accomplir. C'est comme ça qu'il ne dit pas autre chose. Allez leur dire que je suis en train d'accomplir ce que les Écritures ont dit. C'est tout. Puis Jean, c'est tout ce qu'il y a eu. À ce qu'on sache, il est mort après ça. On n'a pas d'autres données. On n'a pas d'autres données par rapport à ce qui s'est passé. C'est... Jésus n'en veut pas à Jean. Jésus n'est pas en colère avec Jean. Jésus va donner de l'information à Jean. Jean, tu doutes que je suis le Messie? Regarde, je suis en train d'accomplir les Écritures, c'est tout. Je suis en train de faire les Écritures. Et ce n'est pas juste Jean qui a convaincu, là. C'est à Jean qui s'est adressé. Mais cette parole-là a servi pendant des millénaires après pour encourager plein de monde à croire que Jésus était le Messie. Parce que vous savez, le grand combat de la vie chrétienne, ce n'est pas d'arrêter de fumer. Ce n'est pas d'arrêter de regarder la télévision. Ce n'est pas d'arrêter de dire des mentries, de voler le gouvernement. C'est pour ça le grand combat de la vie chrétienne. Le grand combat de la vie chrétienne, c'est de croire. C'est de croire. C'est ça que le grand combat de la vie chrétienne, c'est de croire. C'est de mourir dans la foi. C'est pas à cause que vous allez. C'est pas, le grand combat de la vie chrétienne, c'est pas dire j'ai été sauvé, je faisais 1000 péchés par jour, je vais mourir, je vais en faire juste 900. C'est ça le combat de la vie chrétienne. Voyons-le. Paul dit j'ai gagné la course. J'ai de pas gagné, mais j'ai terminé la course. Je suis mort dans la foi. C'est ça qui était son combat. Mourir dans la foi. Pas mourir avec un péché de moins ou plus. Parce que, peu importe, mon frère, ma soeur, tu vas mourir, pécheur. Tu vas mourir, pécheur. Je ne vous dis pas, là, faire des péchés, ce n'est pas grave. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Mais le grand combat de la vie chrétienne, c'est la foi. Parce que si un jour, vous reniez la foi, vous êtes perdu. On l'a vu la semaine passée. Celui qui me renie, je le renie. Celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. C'est ça le grand combat de la foi. Parce que les autres, c'est des petits détails, là, je pourrais dire comme ça. Parce que si je meurs dans la foi en Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai gagné. J'ai la récompense, j'ai la couronne de vie, j'ai la couronne de la vie éternelle, j'ai toutes les couronnes que vous voulez savoir. Je meurs dans la foi. Je meurs dans la foi. Et Jean, c'est tout ce qu'il voulait aussi. Il voulait mourir dans la foi aussi. Hein, il s'en foutait-tu dans la prison, hein, ce qui se passait là-bas? Mais il dit, ah, c'est-tu le bon gars? C'est-tu le bon gars? C'est-tu le bon gars? C'est-tu le bon gars? Il envoie des chums, allez donc le voir, mandez donc la question pour moi. Ils lui reviennent, il dit, c'est bien lui. Regarde ce qu'il dit, c'est ça. Il est en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Jean est mort dans la foi. Heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ceux pour lesquels Jésus ne sera pas une occasion de chute, c'est des heureux. Heureux sois-tu. Heureux sois-tu. Parce que si je ne suis pas pour toi une occasion de chute, je vais être pour toi une occasion de salut. Hein, de salut. Jean, il était convaincu ici que Jésus était le Messie à cause que Jésus, le Messie était en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Ça l'a satisfait à Jean, c'est ce qu'on croit. Mais la foule qui était là, je ne sais pas si vous avez vécu ça, certains d'entre vous peut-être, d'autres non, d'autres oui peut-être. Des gens qui ont travaillé avec vous, des gens qui vous ont conduit au Seigneur, des gens peut-être qui ont, ont eu un impact dans votre vie spirituelle quand vous étiez jeune chrétien, et que tranquillement vous avez vu planter. Avez-vous déjà vu de ça? Moi, j'ai été sauvé à Vitrinville. Un an après, mon pasteur a donné sa démission. Quelques temps après, il a divorcé sa femme. Quelques temps après, il ne croyait pas en Dieu. Quelques temps après, il était complètement pété dans les larmes. Tu dis, oh, oh, oh, c'est lui qui me prêchait la Bible, il dit qu'il ne croit plus. Bon. Je continue-tu? Je continue-tu? Alors, si je lâche, j'ai-tu cru? J'ai quitté l'Église catholique à cause de ça. Quand j'avais 15 ans, j'ai dit, si ceux qui me prêchent ne font même pas ce qu'ils me prêchent, j'ai rejeté la religion catholique à cause de ça. Vous avez probablement vu dans les églises, bien des gens, à cause du comportement de certaines personnes à qui ils avaient regardé leurs yeux, avaient été des exemples, des modèles, qui ont planté, qui ont fait des choses épouvantables, qu'on va dire. Hein? Beaucoup de gens décrochent, puis s'en vont. Ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne veulent plus rien savoir, parce que tout d'un coup, regarde ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas combien de gens ou de personnes alentour de Jésus, combien de disciples, ont entendu ce que Jean a dit. Je présume que la foule a saisi ce que les disciples de Jean posaient comme question. Parce que Jésus, à partir du verset 7, va continuer à parler de Jean. Les gars sont partis, vont aller voir Jean, on présume, sont partis aller dire à Jean ce que Jésus avait dit. Et là, Jésus n'arrête pas de parler, il va continuer à parler de Jean-Baptiste. Parce que je crois que Jésus voit bien dans la face de tout le monde qui est autour, là, wow, le gars qu'ils ont tous envoyé vers moi, commence à douter que je suis le Messie. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Moi, j'essaie toujours de réaliser que les gens qui étaient là en entour de Jésus, c'était des êtres humains pareils comme François Nolette. Des êtres humains pareils comme moi. Et tout d'un coup, le gars qui était le prophète de Dieu depuis un an ou un an et demi, qui avait tout dirigé Israël vers le Messie, tout d'un coup, lui, il pose la question, « C'est-tu le bon gars? » Bon, on se donne d'attendre un autre. Imaginez-vous la foule qui est là, alentour, qui entend ça. Je ne sais pas, mais ça a dû avoir un impact dans leur vie. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Jésus va continuer à parler de Jean. Parce qu'il veut, je crois, stabiliser la foule. Puis en même temps, il veut continuer à démontrer, parce que le but... Le but unique de Jésus, savez-vous c'est quoi? Que cette gang-là devant lui croit en lui. C'est tout ce qu'il veut. Moi, j'ai été élevé dans une église où on utilisait toujours la Bible pour me sermonner. Toujours. J'ai été élevé comme ça dans l'église chrétienne. On utilisait la Bible, n'importe quel passage, c'était pour me sermonner. On prenait n'importe quel passage, puis on me disait que j'étais pas assez bon chrétien. Il fallait que je fasse mieux. Mais c'est pas le but de Jésus ici. Le but de Jésus, ce n'est pas de nous amener à être parfaits. Le but de Jésus, c'est de nous amener à croire en lui comme étant le Messie, notre Sauveur. Ici, il va continuer à parler à la foule, puis essayer de les convaincre, pas de les convaincre que Jean, c'est un grand gars, c'est un bon gars, c'est un bon chrétien, puis ben non, c'est pas, ça ne l'intéresse pas, ça. Ce qui l'intéresse, c'est que cette foule-là ne doute pas de lui. Il croit en lui comme Sauveur personnel, et l'envoyé de Dieu. Donc, il va continuer de parler de Jean, mais le but, ce n'est pas Jean, le but, c'est que les gens croient en lui. Verset 7. Comme il s'en allait, qui ça? Les disciples de Jean, hein? Et vous savez que les disciples de Jean, longtemps après Jean soit mort, dans Acte 19, 30 ans, presque 30 ans après, il y a encore des disciples de Jean. Donc, il y en a peut-être qui n'ont pas été convaincus comme Jean. que Jésus était le Messie. Pas sûr, mais en tout cas. Il y a des disciples de Jean dans Actes 19 qui ne croient pas à Jésus encore. Ils sont encore des disciples de Jean. Donc, à quelque part, pendant 30 ans, il y a de ces gars-là, peut-être de ceux-là, peut-être pas, peut-être d'autres disciples, mais qui n'ont pas venu à la compréhension que Jésus était le Messie ou ne l'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qui êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, le plus grand est plus qu'un prophète, excusez. C'est celui dont il est écrit. » On revient toujours à ça dans Matthieu. On revient toujours à ce qui avait été écrit. Toujours. On en parlait jusqu'à la fin. Il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, il parle de Jean. Et il leur demande, « Qui êtes-vous allé voir? Qui êtes-vous allé voir dans un désert? Qui êtes-vous allé voir? » Bien, finalement, il leur dit qu'ils sont allés voir un grand prophète, le plus grand des prophètes. Pourquoi est-ce que Jean était plus grand qu'Isaïe, mettons? Pourquoi est-ce que Jean était plus grand que Jérémie? Et ce qu'il dit au verset 7 à 9, « Tous les autres prophètes ont prophétisé la venue du royaume. » Et Jean a prêché quoi? L'arrivée du royaume. Ça fait de lui le plus grand des prophètes. Pas qu'il était meilleur prophète dans le sens de nous, on penserait un meilleur gars que les autres. Il n'a pas été plus grand parce qu'il était tout d'un coup un saint homme. Ça, c'est notre perception en nous de l'être humain. Mais il était plus grand tout simplement parce qu'il a eu le privilège de dire tout ce que les autres ont prophétisé pendant des millénaires. Moi, je vous dis que c'est arrivé, c'est maintenant. Le prophète, le roi est arrivé. Il dit, Jean est celui qui avait été écrit, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera le chemin pour toi. » Et cette prophétie-là, dans l'Ancien Testament, a été écrite pour le Messie. Et si vous allez même bien lire comme il faut, dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui arrivait. Dieu fait chair. Mais ici, le peuple d'Israël croyait que avant que le roi vienne, il y aurait un homme qui viendrait, un messager qui viendrait préparer le chemin du roi. Préparer le chemin de ce grand homme qui viendrait pour le délivrer, le Messie. Et Jésus dit, Jean-Baptiste, c'est ce prophète-là. C'est lui qui prépare le chemin du Messie. Donc, si Jean est le prophète, le messager, ça fait de Jésus le Messie. Si Jean est celui qui a préparé le chemin de Jésus, puis Jean est celui qui accomplit Isaïe, automatiquement, Jésus devient le Messie. Donc, il est en train de leur dire, Jean qui vient de poser la question, si je suis vraiment le bon gars, c'est ce Jean-là qui a préparé le chemin pour moi. Jean est le plus grand dans le royaume de Dieu à cause de ce avant. Il était le plus grand. Mais il dit, dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand de l'Ancienne Alliance, des prophètes de l'Ancienne Alliance. Ah! Arrêtons-nous là-dessus, c'est pas, ça nous fait du bien, ça, ce matin. Le plus grand, il dit, Jean, c'est le plus grand. Hein? C'est pas que ça qui est marqué, c'est le plus grand. Mais il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que ça me concerne, moi, en tout cas, personnellement. Moi, je considère que je fais partie du royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu, mais il dit, je suis plus grand que je. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les prophètes ont prophétisé la venue du royaume. Jean était plus grand parce qu'il dit le royaume est arrivé. Mais le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean. Pourquoi? On est dans le royaume, on fait partie du royaume. Nous sommes les enfants du royaume. On est dans nous autres. Jean, lui, il n'est pas rentré. Il a juste dit, il arrive, il est arrivé. Il est là. Nous, on est plus grands parce qu'on est dans le royaume. On en fait partie du royaume. On vit dans le royaume. Nous, on a vu le roi. On a vu l'établissement du royaume. On l'a vécu. Et à cause de ça, ça fait des gens, ça fait de nous des gens plus grands que Jean. Pas meilleurs que Jean. Pas meilleurs que Jean. Mais Jésus est juste en train de dire ici que de fait démontrer le grand privilège qu'Israël avait à ce moment-là. Toutes ces l'apôtre Pierre, il disait que les prophètes et les anges regardent, puis ils ont hâte que ça accomplisse le royaume, ils ont hâte que ça l'arrive, ils ont tellement hâte. Il dit, vous autres, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Vous en profitez. Vous jouissez du royaume. Vous avez toutes les bénédictions du royaume. Vous avez été régénéré. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Vous jouissez du royaume de Dieu. Là, il dit quelque chose qui nous frappe, versets 12 et 13. Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Quand vous lisez votre Bible, vous faites quoi avec ce verset-là? Est-ce que vous continuez à aller bien vite? C'est de l'oublier. Vous dites, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour ce verset-là? Il dit à la foule, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, les chrétiens s'ostinent là-dessus. Les chrétiens s'ostinent depuis des millénaires. Ouais. Pas tout le monde qui est d'accord. Certains disent que le royaume de Dieu est forcé ou est violenté parce que Jean a reçu des persécutions, Jean s'est fait décapiter, Jésus va se faire décapiter ou crucifier, les disciples vont se faire mettre en prison, les disciples vont se faire décapiter. Ils disent que le royaume de Dieu est violenté dans ce sens-là. Et les violents essaient de s'en emparer puis l'avoir pour eux autres, puis l'utiliser d'une autre manière. Il y en a qui pensent que c'est ce que ça veut dire. D'autres disent que le royaume de Dieu est violenté, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les gens qui sont prêts à se faire violence pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dans le sens que c'était pas facile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça coûtait la vie pour entrer dans le royaume de Dieu. Fallait-tu perdre? Tu étais peut-être en prison comme Jean. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui ont été persécutés, qui ont tout perdu. Ils se sont fait violence, ils ont dit non à eux autres mêmes. Comme Jésus va dire, un peu plus loin dans d'autres passages, il va dire, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout, ce qui est, à son père, à sa mère, qui ne renonce pas à sa propre vie, qui ne se charge pas de sa croix, qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple, ne peut pas faire partie du royaume. Il faut se faire violence dans ce sens-là. Il faut se faire violence. Hein. Ce sont ceux qui sont prêts à se bagarrer pour l'avoir. C'est quoi ce que Jésus est en train de dire? Le royaume de Dieu aurait dû rentrer facilement. Quand Jean-Baptiste a prêché le royaume de Dieu ou l'arrivée du royaume de Dieu, les gens auraient dû sauter de joie. Le peuple d'Israël a dû sauter de joie et se réjouir de faire une grande fête. Le royaume qu'on attend depuis des millénaires arrive. Il est arrivé. Ça aurait dû être la joie. Mais c'est pas ça. On essaie de tuer, puis de mettre en prison, puis de décapiter ceux qui proclament le royaume de Dieu. Et ceux qui veulent y entrer sont menacés. Vous vous souvenez que Jésus dit, vous n'entrerez pas et vous empêchez les gens d'entrer qui voudraient rentrer. Il faudrait être violent dans ce sens-là. C'est pas ceux qui prennent une épée qui commencent à tuer tout le monde, c'est pour ça qu'on parle. Mais c'est des gens qui sont prêts à s'engager, puis à se donner, puis à combattre pour entrer dans ce royaume-là, qui est menacé, attaqué. L'apôtre Paul va le dire autrement, ce n'est pas contre la chair et l'esprit que vous battez, mais c'est contre les esprits célestes, les mauvais. Il dit, mettez-vous en armure, vous êtes en guerre. Il dit, dans le royaume de Dieu, c'est une guerre, il faut y aller. C'est dans ce sens-là qu'il parle ici, je crois, que le royaume de Dieu est violenté, où il faut se faire violence, où il faut être courageux, il faut être brave, il faut être audacieux. Il faut oser perdre tout ce qu'on a pour pouvoir y rentrer dans ce royaume de Dieu. C'est ce que je crois être la meilleure interprétation pour ce passage-là. Et il termine en disant, au verset 14, Jean est l'Élie qui devait venir. Dans le livre de Malachie, il y avait une prophétie là-dessus, que Élie viendrait avant Jésus. Et que Élie préparait le peuple de Dieu. Et il dit, l'Élie qui devait venir, c'est Jean. Je vous le dis, c'est lui. Donc la prophétie est accomplie, c'est Jean, le Élie, le spirituellement Élie. C'est pour ça que vous allez voir que Jean va se mettre un habit de poil de chameau, comme Élie était dans l'Ancien Testament, il va se mettre une ceinture, il va s'habiller un peu à la mode d'Élie, puis il va prêcher la repentance, il va appeler le peuple à la repentance, comme Élie a fait aussi. Élie, vous vous souvenez, Élie était un de ceux qui a prêché la repentance au peuple d'Israël. Et c'est lui, l'Élie, qui devait venir préparer le peuple de Dieu à me recevoir, moi. Je suis le Messie. Donc, on va arrêter là ce matin, mais il y a deux choses. Le titre de mon message, je vais le dire à la fin, parce que j'ai oublié de le dire au début. C'est bien lui le roi, c'est bien lui. Jésus dit, es-tu celui qui devait venir? Il dit, c'est bien lui, c'est lui le roi. Premièrement, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament en se chargeant des maladies, en se chargeant des infirmes, en délivrant les captifs, en délivrant les malades, en ressuscitant les morts, en prêchant la bonne nouvelle. C'est lui qui devait accomplir ce qui avait été prophétisé par tous les prophètes. Et c'est bien lui, parce que le messager de l'Ancien Testament, Jean, le messager, l'Élie qui devait venir ouvrir le chemin pour le Messie, mais il est venu, c'est Jean-Baptiste. Donc, n'attendez pas un autre. Si l'Élie est arrivé, si le messager est arrivé, le roi est arrivé. Et c'est ce que Jean a dit quand les pharisiens lui ont posé la question, « T'es-tu le Messie? » Il dit non. Il dit, il y a quelqu'un qui est parmi vous déjà, qui est déjà là, que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc, il dit, il est déjà arrivé, le Messie, il est parmi vous autres. Vous ne l'avez pas reconnu, vous ne l'avez pas vu encore, mais il est là, il va se présenter, ce ne sera pas bien long. Attendez une minute, il va se présenter. Il s'est présenté en faisant tout ce qu'on a vu qu'il a fait pendant... Mais on va en avoir d'autres la semaine prochaine, d'autres choses qu'il va faire pour démontrer que c'est bien lui, le Messie, qui devait venir. Quand vous avez des doutes, ne les enterrez pas. Ne les cachez pas. Comme la récréable disait, ne les foulez pas dans la jambe gauche. Faites face aux doutes. Dites, ben, j'ai doute. Je me pose la question si vraiment ce que je crois, c'est vraiment la vérité. Je me pose la question à cause de certaines choses que vous allez vivre dans votre vie, des choses qui vont arriver, des événements noirs, peut-être plus noirs que vous pouvez vous imaginer, ils vont arriver dans votre vie. J'ai lu des livres sur des temps de forte persécution dans l'histoire de l'Église. Je vous garantis qu'il y en a des millions qui décrochaient, des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers qui décrochaient, qui disaient non, on n'a pas cru à bonne affaire, sauver le pot, ils reniaient tout ça. Mais si j'avais demandé deux semaines avant, ils auraient dit, bon, oui, des chrétiens, d'autres ont cru en Dieu. Deux semaines après, ils disent qu'il n'y a plus de ça. Pour sauver les pauvres. Quand le doute vient, il faut y faire face. Mais qu'est-ce qui me pousse à douter en ce moment? Qu'est-ce qui me pousse à me demander si l'Évangile, c'est la vérité? Qu'est-ce qui me pousse? Combien de fois j'ai jasé avec des jeunes de famille chrétienne qui avaient à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans, remettent tout ça en question sur ce qu'ils ont entendu et finalement, pour des raisons quelconques, ils décrochent et s'en vont. Les 85%, ce qu'on nous dit, le font, s'en vont, pour ne jamais revenir. Remettre en question. Pourtant, peut-être qu'ils se sont fait baptiser, peut-être qu'ils avaient avoué la foi, peut-être qu'ils avaient tout fait ça, mais pourtant, ils décrochent tout, puis s'en vont. Quand le doute vient, il faut s'asseoir, il faut regarder, non pas nos expériences, parce que les expériences vont peut-être vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des jeunes avant de vous qui vont peut-être vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des gens même qui vous ont dit que c'était vrai, puis maintenant ils vous disent que c'est plus vrai. Ils disent qu'ils vont vous dire ça. Ils allaient douter, ils allaient poser la question. Je me souviens de vous, la vie d'un grand évangéliste au Canada qui avait prêché. Puis on dit, je n'ai pas de preuve. On dit qu'il y a à peu près 25 000 personnes qui ont accepté le Seigneur sur son ministère à travers le Canada pendant les 15-20 ans qu'il a prêché. Puis à un moment donné, il s'est levé devant toutes ces foules-là, puis il a dit à la télévision, puis il a dit aux radios, c'était de la foutaise, c'est pas vrai, je ne crois plus à ça. Je ne sais pas comment parmi les 25 ont décroché. Ne vous croyez pas fort. Quand vous allez vous croire fort, c'est là que vous allez planter. Il faut toujours être à la recherche, moi j'appelle ça comme ça, toujours être à la recherche de vérités qui vont fortifier ma foi. Toujours à la recherche de vérités dans les Écritures. Cette semaine, j'écoutais John MacArthur, puis il a dit deux affaires, j'ai écouté deux sermons de lui qui ont fortifié ma foi. Je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, merci d'avoir fortifié ma foi encore une fois. Parce qu'on a toujours besoin de se faire fortifier. Ne vous croyez pas fort. On a toujours besoin de se faire fortifier. Par les Écritures, pas par les expériences. Pas par les gens, par les Écritures. Prions ensemble. Notre Père du ciel, je te bénis. Je te bénis pour l'attitude que tu as eue envers Jean. Tu n'as pas chialé, tu n'as pas critiqué, tu n'as pas gueulé, tu n'as pas réagi de façon négative comme nous les humains, on aurait réagi. Mais tu as certainement dit une vérité. Seulement on voit les Écritures et dire, regarde, je suis en train d'accomplir les Écritures. Ne doute pas de moi. Crois en moi. Seigneur, quand dans nos vies, le doute va venir aussi, pour toutes sortes de raisons. Aide-nous de faire comme ça, par les Écritures, par l'Esprit Saint que tu as mis en nous, qu'on aille chercher des vérités qui vont nous fortifier. C'est ce que l'apôtre Pierre dit quand il dit « Résistez-lui avec une foi ferme, une foi qui s'appuie sur les Écritures. » Que ton nom soit loué en nous et par nous. Et dans la semaine qui vient, Seigneur, nous allons côtoyer une multitude de gens qui ne croient pas que Jésus était le Messie. Qui ne croient pas que c'est lui qui devait être envoyé. Donne-nous la grâce d'être capable, avec amour, avec compassion, de leur expliquer que tu es vraiment celui qui devait venir. C'est vraiment le roi qui devait commencer le royaume. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier cantique.